ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Joe Dassin. La chanson, c'est un métier. C'est un travail qui implique énormément de gens, qui implique énormément de talents et qui implique surtout de l'artisanat. La chanson se fait comme une table se fait, comme n'importe quoi se fait, avec patience, avec temps. Cette chanson artisanale dont parle Joe Dassin à l'émission Rencontre, diffusée à l'ORTF en 1968, fera pourtant de lui, le paradoxe est beau, l'une des plus grandes vedettes de l'industrie de la chanson française des années 60 et 70. Les Champs-Élysées, l'Amérique, l'été indien, d'immenses succès à l'époque, des chansons aux mélodies incroyablement accrocheuses qui résonnent encore dans nos oreilles et dans nos têtes des années plus tard. Je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né, l'Amérique. D'ailleurs, vous êtes le moins français de tous les Français qui chantent. Il y a une bonne raison pour ça, je ne suis pas français. Ah bon, ben ça s'explique. Je suis un francophone d'adoption, mais en réalité, je suis new-yorkais. Donc vous avez vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, hein, Jean? J'y suis né, j'ai grandi là-bas. Jusqu'à quel âge? Oh, c'est assez compliqué. Alors là, ça devient carrément un roman, parce que j'ai une famille qui a énormément voyagé. À cause de la carrière de votre père, ça, Jules. Exactement. Ce qui veut dire qu'à un certain moment de votre vie, je suppose que vous parliez peut-être mieux l'anglais que le français. Ah, j'ai toujours mieux parlé l'anglais que le français, mais j'ai toujours préféré parler français. Joe Dassin, au micro de Pierre Paquette à l'émission Feu vert en avril 1974 sur cette musique que vous avez probablement reconnue, l'un de ses grands succès, l'Amérique, pour revivre la carrière relativement courte, il faut le dire, mais ô combien flamboyante de Joe Dassin. Je reçois la non moins flamboyante Marie-Christine Blais, journaliste culturelle. Bonjour Marie-Christine. C'est vrai que ça a été court, une petite quinzaine d'années cette carrière-là. Exactement, exactement. Et pourtant, un si grand impact. Encore aujourd'hui, on peut encore fredonner à peu près tous les grands succès, et ils sont nombreux, ouais. Très nombreux, les succès de Joe Dassin. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient nous chercher tant dans cette musique? Il y a deux aspects, c'est tellement des aspects évidents quand on y pense. Les musiques ont très, très bien vieilli. Ouais. Il a toujours fait affaire avec des compositeurs. Il composait lui-même, mais ses plus grandes chansons sont l'œuvre d'autres compositeurs que lui-même. Et il les faisait arranger par les plus grands arrangeurs britanniques, généralement. Ouais. Donc, ses musiques vieillissent très, très bien. Passent tout à fait le test du temps. D'autre part, ses textes, les paroles des chansons, écrites par les meilleurs paroliers de l'heure, traitent de thèmes tout à fait universels encore aujourd'hui. Une chanson comme « Salut les amoureux » qui dit... On s'aimait, mais finalement, pas tant que ça, on va se quitter. Ça arrive encore tous les jours, je crois, ouais. Jacques, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ce type de sujet, l'Amérique, rêver de quelque chose de mieux, avoir de l'ambition pour sortir d'où on est, ça arrive encore pas mal aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, ces thèmes-là sont tout à fait d'actualité, sans doute jusqu'à la fin des temps. Ouais. Il y aura toujours peut-être une chanson de Joe Dassin. Donc, une pertinence qui complète, reste. Complète. Toujours. Et son timbre de voix, je dirais que c'est la troisième chose, son timbre de voix très particulier fait qu'on le reconnaît et c'est chaleureux. Mm-hmm. C'est comme s'il souriait toujours, même quand il dit qu'il est triste, Joe Dassin. On l'entendait dans l'extrait, il est américain, Joe Dassin, alors que pour nous, il est tellement français. Mais non, il est américain, il est né à New York. Et il ne prendra jamais la nationalité française. Ouais. Jamais. Il garde la nationalité américaine. Il est né en 1938, effectivement, aux États-Unis. Et il va commencer à parler français, à l'apprendre. À 11 ans. Ouais. À 11 ans seulement. Ouais. Fils à papa aussi. Oui. C'est évoqué également dans l'extrait. Mm-hmm. Son père est un réalisateur très connu à l'époque à Hollywood, Jules Dassin. Jules Dassin, qui va avoir plusieurs grands films à son actif, qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui, effectivement, mais Durififi chez les hommes, Jamais le dimanche. Ce sont des films qui marchent beaucoup. Et sa mère, Béatrice, elle est une grande violoniste, qui va d'ailleurs travailler avec Pablo Ravel, enfin, qui est vraiment une violoniste de très haut niveau. C'est elle qui va apprendre, d'ailleurs, à Joe à peu près tous les instruments qu'il connaît, le banjo, le piano, la guitare. Et c'est comme ça que, grâce à ses parents très artistes, qui fréquentent tous les artistes de l'époque, qui viennent chez eux, le petit Joseph, avec ses deux sœurs, eux, ils sont là-dedans, ils sont très bien, ça va bien. Le macartisme arrive, donc la chasse aux sorcières des fameux communistes ONI à l'époque. Jules Dassin va devoir partir parce qu'on dit qu'il a été communiste. Il a été communiste, mais comme bien des gens. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte de ce que c'était. Ouais. Et il arrête d'être membre. Mais parce qu'il doit absolument partir, il va aller en Europe. Mm-hmm. Et écoutez, pendant quelques années, Joe Dassin va aller dans 11 écoles. Mm-hmm. Pas une, pas deux. 11 écoles. Alors, c'est évidemment une... On ne pose pas ses valises longtemps. Pas très chez longtemps. Les Dassins à ce exactement. Ils sont toujours en train de changer de place. Ouais. Et quand il va décider de revenir aux États-Unis, c'est en partie, enfin, du moins d'après ses nombreux biographes, un peu pour venger son père. Son père a été mis à l'écart. Ouais. Il ne peut pas retourner tant que ça. Il ne peut pas vraiment... Quand il revient, Jules Dassin, on lui donne pas de contrat. Mm-hmm. Il faut qu'il reparte et qu'il aille en Grèce, en Europe. Alors, il décide, lui, qu'il va retourner aux États-Unis puis qu'il va leur montrer de quoi il se chauffe. Il va étudier. On ne le soupçonne pas, mais c'est un intellectuel, c'est un, Joe Dassin. Un réel intellectuel. PhD en ethnologie, collaborateur de son père sur plusieurs films, grand lecteur, amateur de baseball, mais surtout d'échecs. C'est un joueur d'échecs invétéré, il adore ça. Et surtout, lui, ce qu'il veut, c'est devenir écrivain. Ouais. Son grand rêve, c'est d'écrire, et j'ai lu en traduction, malheureusement, les nouvelles qu'il a écrites, qui ont été publiées dans le New Yorker ou dans le Playboy. Enfin, il y avait toujours ces textes qui étaient un peu publiés partout. Et c'est bien. Oui. Ça, sans plus. On s'en rappellerait pas aujourd'hui. Voilà. Heureusement, il a fait de la chanson. Oui. Le destin le mènera vers la chanson. Toujours est-il que c'est à son retour aux États-Unis, au moment où il étudie, qu'il se tourne doucement vers la musique. On l'écoute justement raconter, parce qu'il va jouer pour gagner sa vie. On l'écoute comment ça commence pour lui, la musique aux États-Unis, à l'émission Feu vert, toujours en 1974. Ça s'est fait parce que quand j'étais au Michigan, j'ai passé un certain période comme garçon de café. Et dans le café où je travaillais, qui s'appelait le Prométhée, hein, à Narbonne, il y avait tous les vendredis, tous les samedis soirs, des jeunes gens qui arrivaient, qui grimpaient sur des échelles, parce que c'était une pièce où il n'y avait pas de scène. Alors pour qu'on puisse les voir, ils grimpaient sur une échelle, et puis ils jouaient de la guitare, ils chantaient des chansons, et ils gagnaient en deux jours ce que je gagnais en une semaine. Et comme ils ne chantaient pas très très bien, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne fasse pas autant. J'ai appris trois accords de guitare, j'ai demandé au patron du café si je pouvais bien monter sur l'échelle moi aussi. Je suis grimpé sur les chaises, effectivement. Bon, mais j'aurais chanté des chansons de Brassens parce que j'adorais ça en présentant ça comme du folklore français, parce qu'à l'époque, il fallait que ce soit toujours du folk, vous voyez. Folk song, presque. Folk song français, Brassens, c'est possible. Pas si loin c'était de la vérité. Quoi, la chasse aux papillons, c'était quoi? Voilà, des choses dans ce style-là. Ouais, les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène, je suis un mauvais garçon. Et bon, j'y suis resté quand même pendant un an et demi. Donc c'est sympathique, on voit bien comment ça commence. Il se met à la musique, mais c'est pas très sérieux. Il joue plus que trois accords, hein. Il joue très bien de la guitare déjà. Mais quelques chansons de Brassens au Michigan. Parce qu'il aime ça. Oui, parce qu'il aime, ça lui rappelle la France. Ouais. Et puis c'est beau Brassens aussi, c'est très bien vieilli ça aussi. Mais reste que c'est en France que débute ce qu'on peut appeler sa carrière musicale. Tout à fait. Comment ça se passe au début? Il retourne donc en France à un moment donné et il va rencontrer, au début des années 60, sa future femme, Maryse Massiera, qui, elle, a une amie qui travaille chez CBS, qui est une des compagnies de disques de l'époque. On est au début, hein, des disques. C'est encore très artisanal au sens peut-être négatif de la chose. Mais bref, elle convainc Joe d'enregistrer, de faire ce qu'on appelle un démo. Lui, il accepte, mais en fait, c'est pour se faire plaisir. Il veut pas chanter. Il n'est pas question pour lui de chanter. Ça fait même pas partie de son plan de carrière d'aucune façon. Il aimerait devenir soit cinéaste ou écrivain. Et quelqu'un chez CBS entend ça et décide et parvient à le convaincre d'enregistrer encore deux, trois autres maxi 45 tours qu'il y avait à l'époque. Joe Dassin le fait et déteste l'expérience pour s'en confesser. Parce que c'est fait de façon tout à fait grossière, avec des mauvais musiciens et tout et on tout. On n'est pas dans l'artisanat dont il parlait au tout début de l'émission. Exactement, on est vraiment dans le broche à foin, on va se le dire. Alors, il décide qu'il va arrêter. Et finalement, il va arriver deux choses. Il va rencontrer d'abord le nouveau patron des disques CBS, Jacques Souplet, qui trouve qu'il a une belle voix, qui trouve qu'il y a quelque chose. Mm-hmm. Et Souplet va lui faire rencontrer un autre Jacques qui s'appelle Jacques Plait. Pas de Jacques Plait, pas de Joe Dassin. Mm-hmm. Jacques Plait a une oreille incroyable. Il est capable d'écouter des musiques dans toutes les langues possibles et de repérer celle-là, ouais, elle va faire un hit. Et il ne se trompe à peu près jamais. Il y avait même un gag. Jacques Plait disait toujours, ce qui plaît à Jacques Plait, plaît au peuple. Bon. C'est ça. Et ça marche, effectivement. Et de fait, les succès vont arriver. Oui. Au début, des succès, mais j'allais dire, ça va arriver timidement. Il y a un premier succès au milieu des années 60, Bip Bip, qui va... Oups, on commence à repérer. En France, ça marche. Voilà. Ici, pas beaucoup. Joe Dassin existe. Mais le premier grand succès, c'est Guantanamera. Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, ma ville Guantanamera. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, le premier grand succès de Joe Dassin, il devient à ce moment-là une vedette. Il est reconnu, il deviendra une grande vedette plus tard, mais déjà, pour lui, ça vient d'arriver, ce statut de vedette. Qu'est-ce qui séduit les Français à ce moment-là, chez ce Joe Dassin première mouture, Christine Blais? Il y a certainement le côté américain, ouais, de la chose. Et puis, c'est un beau gars. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui a un charisme réel, un grand gars, très, très sportif, qui fait beaucoup de... qui adore le ski, qui est un maniaque de ski et qui veut travailler aussi à la manière américaine. Il n'est pas très, très sentimental, hein, par rapport à la façon de travailler. C'est du travail, ouais, et du travail d'arrache-pied. Alors, par exemple, ce que vous venez d'entendre, Guantanamera, la qualité des arrangements, c'est une signature de Johnny Hartley. Hartley, c'est un grand, grand, grand arrangeur de Londres. Ouais. Il ne travaille qu'avec des gens qui sont les meilleurs. Et pour ses parliers, même chose, que ce soit Claude Lemel, Pierre Delanoë, Jean-Michel Rivard, il les oblige à travailler, ouais, des heures de temps. Et quand je vous dis des heures de temps, là, donc c'est vrai. Donc l'américanité, pour Joe Dassin, c'est la manière de travailler aussi. C'est le fouet, presque. Mais c'est la musique aussi. On l'entendait oui, un peu, le côté folk. Puis écoutez l'extrait qui suit, où il nous fait une petite démonstration, puis on reviendra sur la touche américaine, dans quelle mesure on peut l'entendre dans sa musique. Mais Joe Dassin, c'est assez formidable, qui parle des origines et de la technique liée à la guitare américaine, madame. Extrait d'une émission diffusée à l'ORTF en 1966. On m'a demandé vous faire une petite démonstration de guitare américaine. On appelle ça guitare folklorique. folklorique très peu, parce que ça a été inventé il y a une trentaine d'années par la bonne de Pete Seeger, qui est un chanteur folklorique très célèbre aux États-Unis. Cette femme, qui était gauchère, donc elle renversait sa guitare, elle jouait du mauvais côté, était d'abord une joueuse de banjo. Elle avait transposé la technique du banjo à la guitare. Alors, comme il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir apprendre le banjo avant de jouer de la guitare, et surtout pour de pouvoir renverser la guitare pour pouvoir en jouer, on essaie d'imiter à peu près le style qu'elle obtenait. Les avantages, c'est qu'on peut remplacer tout un orchestre. On peut faire les basses, ça donne à peu près ça. Vous voyez, déjà plus besoin de contrebasse. Après, on ajoute les rythmiques, ça donne ça. Pas de batterie, et après on ajoute la mélodie. Et quand on fait tous les trois ensemble, ça donne une chanson. Il étais bien modeste, on le voit encore une fois, hein, quand tu disais « Ouf, je connaissais trois accords ». Non, non. Tout un guitariste. Mais sur la touche américaine, est-ce qu'elle s'entend et quel impact ça va avoir dans le succès qu'il aura, cette touche américaine dans sa musique? Ça en a énormément. Je pense, par exemple, au succès qui va suivre, les Dalton. Donc, cette chanson qui parle des quatre frères Dalton, sujet américain s'il en est, n'est-ce pas? Ce sont des hors-la-loi américains. Et il va en faire une chanson comique. C'est lui, d'ailleurs, qui écrit la musique des Dalton et qui va faire un texte qui raconte ce qu'on imagine être les États-Unis de l'époque. Donc, les méchants qui tuent surtout, puis qui sont un peu stupides. Ça fait du bien aussi de penser que les Américains sont stupides à l'époque. Et donc, il va avoir comme ça une chanson comique. Lui, il s'en méfie beaucoup des chansons comiques. Il veut pas devenir un chanteur comique. Il va faire tout de suite après une chanson qui s'appelle Marie-Jeanne, justement, où il est question de la drogue. Sujet qui d'habitude, n'est-ce pas, qui est traité dans les chansons américaines à l'époque. On est en 67, 68, 69. C'est là, cette américanité, encore une fois. Exactement, exactement. Et là, il va décider, sur les conseils de Jacqueline Salvador, la femme d'Henri, de s'habiller tout en blanc. Ah bon? Ça devient le cowboy en blanc. Ouais. Et d'ailleurs, il se promène même avec un lasso sur scène. De vedette, il va devenir super, super, super grande vedette avec cette consécration de 1969 qui passe par ceci. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, 1969, c'est une grande année, un grand cru. C'est vraiment l'explosion pour lui. Tout à fait. Est-ce que vous me permettez une anecdote? J'ai déjà rencontré dans un voyage de jeunes Allemands qui connaissaient les Champs-Élysées au complet. Alors, comment ça se fait qu'ils connaissent ça? C'est parce que dans la chanson, il est midi, minuit, il pleut, il fait soleil. Toutes les données de base de la langue française, si vous voulez la pratiquer, sont dans les Champs-Élysées. Exactement. Et sur cette grande avenue qui est mythique aussi. Oui. Donc, 69, c'est quoi? C'est les Champs-Élysées, c'est l'Olympia. Oui, c'est aussi son premier infarctus. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui est extrêmement exigeant, extrêmement perfectionniste, qui reprend jusqu'à 200 fois l'enregistrement d'une chanson avant d'accepter que c'est la deuxième prise qui était la bonne. Ouais. Il en a fait 100 autres après. Là. Ouais. Et donc, il s'épuise. Il s'épuise vraiment beaucoup. Il a un souffle au cœur et il va donc faire un premier infarctus. Donc, il est à la fois triomphal et un peu arrêté dans son élan. Mais ça marche très bien, ça va très bien. Les il va continuer. Se suivent, écoute, les disques et toujours, tu sais, le petit pain au chocolat sifflé sur la colline. Toutes ces chansons-là, on les connaît, on les chante encore aujourd'hui. Ouais. Et puis en 75, le plus grand succès de sa carrière. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Cette chanson, ça va devenir un énorme succès, Marie-Christine. Traduit dans je ne sais pas combien de langues. D'abord, une chanson en italien. C'est un des grands succès de Toto Cutugno, qui va écrire d'ailleurs plein de musiques reprises par Dassin pour devenir des succès à chaque fois. Cette chanson-là va devenir la chanson emblématique, la chanson signature de Joe Dassin à l'époque. Pourtant, elle fait suite à un cru de carrière assez dur. Il va avoir une dépression entre les grands succès de la fin des années 60 et 75. Il perd son fils, meurt à 5 jours. Et puis, il est épuisé. J'ai lu son horaire d'une année. C'est hallucinant. Il travaille tout le temps, dans des conditions qui sont pas du tout celles qu'on imagine aujourd'hui. Là. Il n'y a pas un autobus qui l'attend puis que tout le monde s'en occupe. Là. Il est dans sa petite auto avec sa femme puis ses vêtements. Là. Ouais. C'est la France de l'époque aussi. Puis après ce coup de vague, donc, l'été indien qui relance la carrière de Joe Dassin. Puis là, les succès, encore une fois, vont continuer. Ça va pas changer le monde. À toi, c'est reparti. Oui. Jusqu'à ce qu'en 77, sa vie... remarquez, il y a du bon et du mauvais dans ce qui va se passer, mais la vie de Joe Dassin bascule en 77. Oui, oui. il divorce. Ouais. Il a rencontré déjà quelques années auparavant une jeune femme qui s'appelle Christine Delvaux. Il va quitter donc sa femme Maryse, qui est son alter ego. Elle s'est occupée d'énormément de choses tout le long de la carrière vraiment météorique qu'il connaît auparavant. Donc, il est avec Christine Delvaux, avec qui il va avoir deux enfants. Mais c'est aussi une période où il a envie, je crois, de vivre enfin. Ouais. Et il va s'éclater. Donc, il va consommer à peu près tout ce qui est possible. Il fume trop, il boit trop. C'est un amateur de vin exceptionnel. Il connaît tous les grands restaurants de France. C'est un homme qui n'avait pas le tract. Alors, il mangeait très, très, très bien avant ses spectacles. Il cherchait les 3 étoiles dans le Michelin, là, puis il y allait et revenait. C'est quelqu'un qui joue au golf, mais de façon... Il peut jouer 15 heures de fil au golf parce qu'il aime ça. Un compulsif, finalement. Je vous écoute. Aujourd'hui, on dirait que c'est un workaholic et que c'est un control freak. C'est vraiment quelqu'un d'excessif. Oui. Et il va donc se brûler, oui, littéralement. Ça ressemble un peu à cette descente aux enfers que vous décrivez, alcool, drogue. Ça ressemble un petit peu, je pense, à Elvis Presley. Et c'est à peu près à la même époque, quand même. À peu près à la même époque, et je dirais même le costume blanc. il y a quelque chose d'excessif. Dans le cas de Joe Dassin, on dit aussi qu'il éprouvait... en début de carrière, un complexe d'infériorité par rapport à son père, qui avait eu une carrière internationale, et qu'à la fin de sa carrière, il éprouve de la culpabilité parce qu'il est plus connu que son père. On dit de Jules Dassin qu'il est le père de Joe Dassin, et Joe Dassin ne le vit pas très bien. C'est vraiment particulier. Sa famille va être là. Ses parents et ses sœurs sont fondamentaux dans sa vie. Ils sont toujours là. Ils travaillent avec eux. Et tout ça fait qu'il dépasse les bornes. Ouais. Et ce qui fait qu'il va au moins entouré de beauté, mais mourir à 41 ans à Tahiti, épuisé au bout du rouleau. Complètement. Il en reste quoi de cette courte carrière, encore une fois, une petite quinzaine d'années, mais à peine. Éclatant. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Ce qui reste, c'est par exemple, je pense au disque de reprise Salut Joe, qui est un hommage à Joe Dassin par toutes sortes d'artistes d'ici. En 2006, on a vendu de ce disque de reprise 80 000 exemplaires. Hmm. C'est énorme. Ouais. Il y a eu le spectacle ici même aussi, Joe Dassin, la grande fête musicale. 150 000 billets vendus et ça a été joué à Boston, à New York, à San Francisco, un peu partout. Et encore récemment, je pense que c'est la Chambre des notaires qui adoptait la chanson « Salut les amoureux » pour faire une campagne publicitaire. Donc, cette chanson, par la qualité et par la valeur de cette chanson artisanale, au sens le plus noble du terme, sont telles qu'elles passent à travers toutes les modes. C'est le gars qui réussit, en pleine période disco, à faire une chanson qui s'appelle « Le dernier slow ». Ouais. Et c'est un succès. Ouais. On va s'arrêter sur ce dernier slow, Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, habituée de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de teint.